podcast numéro 6 du lycée Joffre. Entretien avec Jean-Paul Bolgheni. La prépa joue-t-elle encore son rôle d'ascenseur social ? À la base de cet entretien, il y a un constat simple. Les classes préparatoires sont faites pour jouer un rôle d'ascenseur social. Et pourtant, il y a un véritable constat d'échec dans les statistiques de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut proposer des raisons à cette situation ? Est-ce qu'il y a une évolution de la situation aussi dans le temps ? Et est-ce qu'il y a des solutions ou des pistes à suivre pour essayer de remédier à cette situation ? Alors, avant qu'on commence, ce que j'aimerais, c'est qu'on se présente tous les deux, et surtout en insistant sur ce qui fait, peut-être dans notre parcours, qu'on est intéressé par ce thème, parce que je crois savoir que tu as un parcours un petit peu tordu, on va dire. Je n'ai pas un parcours tordu, j'ai un parcours qui a été classique jusqu'à un certain point, et puis que j'ai interrompu parce que j'ai fait autre chose. Donc Jean-Paul Bolgheni, normalien, agrégé, toute la lyre. Prof en collège et puis en lycée, jusque là c'est normal, nommé dans une ZEP extrêmement féroce, hein, le lycée des Tarterets, là où on massacre les flics qui ont le tort de s'arrêter, comme on l'a vu récemment, et j'y suis resté 12 ans. J'y suis resté 12 ans parce que ça m'a intéressé de voir de près ce que j'appelle dans la fabrique du crétin les zones d'exclusion programmée, en quelque sorte, et la façon dont justement l'ascenseur social a été détruit, peut-être à grands coups de bonnes intentions, je ne sais pas. Enfin, ça c'est quelque chose qu'il faudra voir. Et donc depuis quelques années, chargé de cours en prépa à Montpellier, aussi bien à Joffre d'ailleurs qu'à Mermoz, ce qui m'a permis de voir de près et de faire des comparaisons instructives avec ce qui se passait, on va dire autrefois, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans, c'est un autrefois qui n'est pas si lointain que ça finalement, et ce qui se passe dans des sections autres que des classes prépa. D'accord. Alors tu parlais de, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur les bonnes intentions qui pourraient éventuellement avoir des effets pervers. Déjà, enfin à mon avis, le système des prépas est un système élitiste, dans le sens où on va chercher à faire une sélection et disons proposer une autre formation à des élèves, disons les plus brillants. Il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dire bon, est-ce que un système élitiste comme celui-là a sa raison d'être? Ben, le problème, c'est que tu as dû remarquer que « élite » est actuellement un gros mot qu'il ne faudrait plus prononcer, alors même qu'on en a besoin, alors même que de l'avis de certaines autorités très éclairées, c'est-à-dire en fait les grandes entreprises qui vont recruter les futurs ingénieurs, etc., il y a une déperdition des élites, voire même, comme on l'a remarqué depuis une quinzaine d'années, que les élites réelles du pays ont tendance un petit peu à fuir le pays. Mmh. De sorte qu'on peut se demander si nous-mêmes qui sommes restés appartenons encore à une élite quelconque d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que non seulement les classes préparatoires ont un rôle éminent à jouer, qu'elles ne jouent pas tout à fait à fond d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au fond, à mon sens, elles ne sont pas assez élites. Non pas élitistes, mais élites. Et surtout qu'on ne va pas forcément chercher pour remplir les classes préparatoires, les vraies élites là où elles sont. Mmh. C'est-à-dire que, malheureusement, et ça on le constate alors quand on fait des comparaisons à, disons, à 30 ans. Quand nous avons passé, Normal Sup pour moi, pareil. Et pareil pour toi, il y avait, à mon époque, donc début des années 70, à peu près 5 à 6% d'élèves qui entraient à l'ENS et qui venaient de classes défavorisées, ouvriers, petits employés, etc. Actuellement, toutes grandes écoles confondues, c'est moins de 0,1%, c'est-à-dire c'est devenu une trace, à peu de choses près. C'est comme la mémoire de l'eau, en quelque sorte. C'est une chose dont on parle, mais qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que le système au moment même où il proclamait son souci d'égalité des chances, etc., a généré plus d'inégalités sociales qu'on n'en avait jamais fait. C'est-à-dire que, après avoir reproché avec Pierre Bourdieu et d'autres, passeront au système de ne fabriquer que des héritiers, d'être reproductif d'une classe sociale dominante, on est arrivé, à force de vouloir modifier cela par le bas, on est arrivé à ne plus sélectionner quasi majoritairement, enfin majoritairement et quasi exclusivement, que des enfants de cadres supérieurs déjà en place. Quand on regarde les statistiques, les élèves qui entrent en classe préparatoire sont très majoritairement issus de milieux avec des parents qui sont au minimum à Bac plus 3. Hein, ça c'est une constatation. Et quand on regarde l'échelle en quelque sorte dans le classement des sections post-bac, si on met les classes préparatoires tout à fait en haut, ce qui est à peu près mérité, on aurait derrière quelque chose qui serait peut-être les IUT, puis les BTS, puis les facs, et on se rend compte qu'il y a un effet de déversoir en quelque sorte, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas en classe prépa vont en IUT, ceux qui ne vont pas en IUT sont acceptés en BTS, ceux qui ne sont pas acceptés en BTS vont en fac. C'est-à-dire que les facs, sauf exception bien sûr, hein, je ne voudrais pas caricaturer, mais ça ressemble un peu à ça, les facs acceptent finalement l'essentiel de ceux qui ont été refusés partout ailleurs, ou qui ne se sont pas sentis les reins assez solides pour y aller. Le résultat, c'est statistiquement qu'en première année de fac, 40% des gens échouent. Et ça, c'est une statistique globale, c'est-à-dire que quand on affine un petit peu le résultat, on s'aperçoit par exemple les gens qui arrivent de bac pro et qui passent en fac échouent en première année, quelle que soit la première année, à 92%. C'est-à-dire que le système est devenu totalement figé, avec tout à fait en haut de gamme un bac S, dont il faudrait voir d'ailleurs s'il vaut encore véritablement sa réputation. Parce que j'ai des échos quand même me disant, même sans être spécialiste, que les matheux actuels ne sont plus au niveau des matheux d'autrefois. Et tout à fait en bas, non seulement le bac pro, mais tout à fait en dessous, 160 000 élèves qui sortent du système sans aucune espèce de qualification. Alors, dont je veux bien croire un court instant que ce sont les ratés complets, les tarés complets, etc., mais dont je me doute, parce que j'ai travaillé avec ces gosses-là, que ce sont des gens aussi que le système a éliminés, faute de savoir quoi en faire. Et là, il y a une évidence, c'est que on s'aperçoit que petit à petit, il y a des classes prépa qui commencent à recruter dans les lycées des ZEP, il y a des classes prépa qui font des classes zéro, pour, par exemple, Henri IV, pour remettre à niveau des gosses, excusez-moi pour les gosses, des gosses qui avaient les capacités mais qui ont été bousillés par le système, parce que forcément, lorsque vous êtes dans une classe de ZEP, vous n'avez à manger, si je puis dire, qu'au niveau des moins affamés du système. C'est-à-dire qu'on nivelle par le bas les exigences mêmes de cours. Et des enfants qui pouvaient effectivement, parce que là quand même il y a une chose qu'il faut dire, il n'y a pas de malédiction génétique qui ferait que lorsqu'on est on appartient à des classes défavorisées, on ne pourrait s'élever qu'au bac pro, et que lorsqu'on est fils de cadre, on va forcément, fils ou fille de cadre, on va forcément en classe prépa. Or, c'est ce qui ressort des statistiques, c'est que donc il y a quelque chose de totalement vicié. Ouais. Alors justement, tu parlais d'initiatives pour essayer de contrecarrer cette évolution. Et alors, donc tu as parlé ce que tu appelles les classes zéro, moi j'appelle ça les prépas pour la prépa finalement. Voilà. Mais alors, le problème de ces initiatives, c'est qu'elles sont toujours assez restreintes pour l'instant, elles sont des expériences pilotes on va dire. Mais surtout, je trouve que ça entérine le fait que finalement, quand on vient d'un certain milieu géographique ou social, ben, on perd un an automatiquement par rapport à un élève qui aurait d'autres conditions de travail. Mais c'est pas le milieu social qui vous fait perdre un an, c'est via la carte scolaire, hein, très souvent. Ce sont les établissements dans lesquels on vous a propulsé. Quand on voit pratiquement ce qui se passe, mettons, dans des établissements peu favorisés, le problème même, c'est que Je vais reprendre les choses du départ. Statistiquement, on a, à l'entrée en sixième, officiellement, 17% d'élèves qui ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture. Ça, bien sûr, il s'agit d'une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des établissements, mettons Joffre, où à l'entrée en sixième, il y aura un très faible pourcentage d'enfants analphabétisés, en quelque sorte. Et il y a des établissements dans lesquels il va y avoir 80%. Or, ces enfants qui, en sixième, ne savent pas lire, ils apprennent jamais à lire. On les retrouve propulsés magiquement, puisqu'on ne redouble presque plus. On les retrouve propulsés en troisième, éventuellement en seconde. Moi, j'ai un ami qui, au lycée Turgot, en section ES l'année dernière, a eu un élève qui a été détecté lors de la journée citoyenne, comme on appelle maintenant le service militaire, a été détecté par l'armée comme étant totalement illettré, ce qu'apparemment le système scolaire n'avait pas remarqué. Et il était en première, c'est-à-dire qu'il allait passer en terminale, puisqu'on y passe si on veut maintenant. Hein. Et il va aller jusqu'où ? Hein? C'est-à-dire que ce que l'on remarque, c'est que des enfants qui pouvaient, qui avaient toutes les chances statistiques d'être de bons élèves mis dans de bons établissements au départ, sont bousillés en grande partie par l'établissement dans lequel ils tombent par le biais d'une carte scolaire qui est contournée par tous ceux qui savent, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent aux classes dominantes dont on parlait tout à l'heure, qui ne reçoit plus que les enfants de ceux qui ne savent pas comment y échapper. C'est tellement vrai que, je connais au moins les statistiques sur Marseille, que je connais bien par ailleurs, un très grand nombre d'enfants qui normalement devaient aller en ZEP, qui appartiennent souvent à des cultures musulmanes, sont mis par leurs parents, lorsque ces parents ont compris comment ça fonctionnait, dans des écoles privées catholiques, qui sont actuellement plus garantes de la laïcité et d'un effort vers le haut que les écoles publiques. Ce que je trouve proprement scandaleux. Sure. vraiment aller au cœur du problème des prépas. Moi, ce qui m'a vraiment motivé pour qu'on en discute, c'est que je suis arrivé à une conclusion qu'il y avait quand même quelque chose d'assez absurde dans la façon dont les élèves s'orientaient à la fin de leur, au niveau du baccalauréat, disons. Donc, bon, comme tu l'as dit, donc il y a une disparité importante en fonction des milieux sociaux. Donc, deux chiffres, les enfants d'ouvriers représentent 12% des CPGE, alors qu'ils représentent 32% des bacheliers, et à l'inverse, cadre sup et apparenté, disons 55% des CPGE, seulement 25% des bacheliers. Alors, ce qui est plus gênant, c'est que en classe préparatoire, il y a 13% de boursiers, mais il y en a quand même 33% à l'université. Or, pour moi, tel que je l'ai vécu, et comme c'est aussi vécu, je pense, au lycée Joffre, la classe prépa, c'est pas une formation qui est onéreuse pour les parents, puisqu'il y a le système de l'internat qui est dans des milieux, dans des villes où l'immobilier exerce une pression importante, évidemment, est intéressant. Et les boursiers à Joffre sont automatiquement admis à l'internat. L'enseignement est complètement gratuit. Et en plus, la réussite, elle est assurée, puisque, t'as parlé un petit peu de ce qui peut se passer à l'université. En classe préparatoire, disons qu'il y a 5% des élèves qui sont vraiment en échec en classe préparatoire, mais qui ensuite repartent à l'université où ils réussissent. C'est-à-dire qu'il y a des départs volontaires, il y a des élèves qui intègrent en cours de route déjà des écoles, et d'autres qui volontairement se réorientent vers un second cycle universitaire, pour enseigner par exemple. Donc il y a très peu d'échecs, peu de frais, la réussite donc assurée, et pourtant malgré ça, il y a quand même déjà une disparité entre CPGE et université. Alors, il y a quand même une chose. Il y a peu de frais pour les élèves, et tu as parfaitement raison, mais le système est onéreux pour l'État. Les statistiques disent qu'un étudiant d'université coûte en moyenne, en calculant le domaine sciences humaines et le domaine scientifique, en moyenne 3 000 euros par an. Un élève de CPGE en coûte 12 000. Essentiellement parce que, non pas parce que les profs de prépa sont mieux payés que les universitaires, mais parce qu'ils ont beaucoup plus d'heures. Ouais, alors je précise quand même juste quelque chose, c'est que la moyenne européenne est plus élevée que ce que tu avances pour l'université, je crois que c'est aux alentours de 9 000 euros. Alors la moyenne européenne, oui, mais nous sommes très en retard. Très très très en retard. Ça a été relevé par Jacques Chirac qui, au bout de 9 ans de présidence, s'aperçoit brutalement qu'il y a des disparités. Ça a été relevé il y a quelques jours. Nous sommes très en dessous au niveau universitaire et alors très très loin au niveau recherche. Il faut voir une chose quand même, là, on parle en proportion bien sûr, en proportion de budget. C'est-à-dire que le pourcentage du budget alloué à l'université et la recherche et moins de 50% de ce que, par exemple, les États-Unis allouent à la recherche, alors même que, de surcroît, les entreprises américaines aident de façon massive les universités et la recherche. C'est-à-dire qu'on est extrêmement loin, qu'on arrive encore avec ça à sortir des gens de qualité, cela prouve quand même qu'il y a un réservoir derrière. Mais on utilise peut-être, je crois que la mousse supérieure du réservoir. Ouais. Alors je précise quelque chose parce que on pourrait dire que si on a cette différence, c'est parce qu'il y a une sélection qui opère à l'entrée. Et je précise que quand on examine nous les dossiers, bon pour le lycée Joffre de Montpellier, on recrute sur une grande zone géographique. Donc c'est évident qu'on a absolument aucune idée de la qualité d'un lycée par rapport à un autre. Quand on a un lycée d'Avignon, on ne peut pas savoir de quel quartier il est issu. Ce qui fait qu'il n'y a pas de discrimination. En tout cas, sur ce genre de critères. Non, il n'y a pas de discrimination. Enfin, en tout cas, c'est pas nous qui la faisons, la discrimination, ouais, hein, que ce soit bien clair. Ouais, même si on finit par savoir que tel lycée fonctionne mieux que tel autre, etc. Mm-hmm. Mais enfin, globalement, quand on regarde un dossier, effectivement, on ne le sait pas. Mais c'est une fois qu'on a les élèves en face, que l'on voit effectivement d'où ils débarquent, qu'on s'aperçoit qu'on a fait une sélection qui correspond, au fond, à une sélection de classe. Au sens social du terme. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que sur quoi s'opèrent finalement les études ? Sur la capacité, on va dire globalement, d'un côté à s'exprimer en français, de notre côté d'avoir un raisonnement scientifique. À noter d'ailleurs que le raisonnement scientifique qui ne s'exprimerait pas en français est déjà défavorisé sérieusement. Donc il y a une chose par exemple que je trouve caractéristique, on a dans les classes prépa très peu d'élèves issus de l'immigration comme on dit. On a bien des élèves qui porte des noms, puisque c'est le seul critère que l'on ait, hein. Je rappelle qu'en France, il est parfaitement interdit de s'interroger sur les origines ethniques des uns et des autres. On a bien des élèves qui portent des noms maghrébins, mais très souvent qui nous arrivent directement de Casablanca, c'est-à-dire de grands lycées du Maghreb, et qui ne sont fréquentés alors là que par les hyper-élites de ces pays-là. Hein, parce que là, on est vraiment dans un système de classe extraordinairement féroce. Et il faut donc voir une chose, c'est que, malgré nous, uniquement en fonction des résultats scolaires, de la façon dont les filières ont réagi précédemment, on a en main, puisqu'on a en main que les dossiers des terminales S, par définition, ici, on a en main que des élèves qui ont été socialement privilégiés dès le départ. C'est-à-dire ceux qui ont bien parlé français chez eux dès le départ, ça c'est une première chose, ceux que l'on a poussé éventuellement parce qu'on s'est intéressé à leur travail, parce qu'on leur a fourni des aides, parce qu'on les a envoyés, on le voit par exemple sur leur performance en langue, on les a envoyés passer un mois de vacances en Angleterre, aux États-Unis, en Australie ou au Diable Vauvert, de sorte qu'ils ont des compétences supérieure à la moyenne même des élèves de terminale. Et on les choisit en fonction de leurs notes, on pourrait les choisir socialement, on obtiendrait, je crois, le même résultat. C'est-à-dire que nous avons les critères les plus objectifs qui soient, mais comme ces critères sont au fond subjectifs du point de vue même de l'institution, nous finissons par avoir des critères subjectifs. Alors, moi, je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas aussi une sorte de réserve de la part de certains milieux à oser une classe préparatoire, on va dire. Alors, par exemple, est-ce qu'on leur propose ? Voilà, on va en discuter. Alors moi, mon parcours, il est, on va dire, plus linéaire, enfin, disons relativement linéaire, mais un petit peu aussi, disons, exemplaire. Je vais raconter ça. Je suis petit-fils d'immigrés polonais. Donc, mes grands-parents sont polonais, ils sont venus en France pour travailler. Je suis arrière-petit-fils d'immigrés italiens. Voilà. Nous sommes tous les deux la preuve que, à partir de l'immigration, on peut réussir. Bon, alors, donc mes grands-parents étaient donc milieu ouvrier, ils sont venus travailler dans le bassin minier. Mon père, lui, a déjà. Dans le nord de la France, voilà, probablement. Dans le nord de la France. Donc mon père, lui, a pu. Je rappelle à tout le monde que les blagues anti-belges étaient au départ des blagues belges anti-polonaises. Le racisme s'est déplacé dans les 40 dernières années. Donc mes parents, alors mon père déjà, première chose, il a épousé une jeune fille qui est, disons, française depuis des temps immémoriaux. Mes parents, disons, sont de la classe moyenne. Alors ma mère est dans le milieu enseignant, mais bon, elle est institutrice en maternelle dans une petite ville de province. Mais en tout cas, j'ai toujours grandi avec l'idée que pour réussir, il fallait faire des études, si j'en avais la possibilité, faire ce qui s'offrait de mieux. Donc je suis parti en classe préparatoire. Et ensuite, à l'ENS, j'ai croisé pas mal de gens de ma génération, ou déjà dans les dirigeants, on va dire, dans les milieux de chercheurs. Beaucoup de gens qui étaient issus d'un milieu, disons, difficile. Leurs parents les avaient vraiment poussés là-dedans. Et ils étaient vraiment reconnaissants vis-à-vis de ce système, on va dire, de la République. Et donc, je précise qu'on est élève normalien, on s'engage à travailler pour l'État pendant une certaine période. Et bien sûr, bien souvent, ça se poursuit après. Donc là, j'ai rencontré beaucoup de cadres, de chercheurs, qui vraiment avaient l'ambition de transmettre ça, quoi. Ça leur tenait vraiment à cœur d'avoir cette possibilité. Ils défendaient cette particularité, on va dire, du système de prépa. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui me. Oui, mais il y a une chose, c'est que c'est une question de génération. Tu as passé l'ENS en. 94. Les gens qui étaient déjà à l'ENS, c'est-à-dire les gens qui étaient profs, caïmans, etc., à l'ENS, appartenaient donc à une génération antérieure, la mienne, disons, globalement. Hein. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient été formés dans les années 60. C'est-à-dire les profs que tu as pu avoir appartenaient au baby-boom, à peu de choses près. Ouais. C'était des gens, à l'époque du baby-boom, où, même sans le bac d'ailleurs, puisque mes parents ne l'ont ni l'un ni l'autre, et que mon père, qui était manœuvre tout à fait au départ, puis flic, etc., est devenu prof de fac. C'est-à-dire au cours des années 60. Au cours des années 60, avec ce que l'on avait appris à l'école primaire et dans les premières sections du secondaire, on pouvait encore s'élever socialement. Actuellement, avec le bac, rien qu'avec le bac, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'il y a eu une déperdition des diplômes, d'un côté, il y a eu certainement une ce que Marie Durubella, qui est une sociologue reconnue, appelle dans un bouquin récent, une inflation scolaire, c'est-à-dire que l'écart entre le diplôme et la compétence s'est accru démesurément. On est actuellement, on a des gens à bac plus 5, je ne suis pas bien sûr que le bac plus 5 actuel dans certaines spécialités soit l'équivalent du certificat d'études de 1925. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple qui sera aussi provocant, mais qui parlera à... Je suis ami avec Laurent Laforgue, qui est une sommité mathématique, on va dire ça, médaille Fields, etc., qui me soutenait avec ce sens du paradoxe et de la provocation qui lui appartient, qu'un bachelier S actuel en sait moins en maths qu'un titulaire du certificat d'études des années 1920, ce qu'il appelle la mathématique. Bon, alors il y a certainement un excès, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est le fait que, en fait, on apprend au départ infiniment moins de choses et infiniment moins bien. C'est-à-dire que les gens que nous avons eus, nous, comme profs, ou ceux de ma génération, et qui croyaient tout à fait à l'ascenseur social, en tenant bien compte du fait que cet ascenseur social ne fonctionnait pas pour toute la population, mais il fonctionnait globalement qu'à un quart. Cet ascenseur social est aujourd'hui presque totalement arrêté, parce qu'on ne fabrique plus que de la reproduction sociale. Il y a un bouquin qui est sorti en 2005 qui s'appelait « Les FFD », les fils et filles d'eux, et qui remarquait qu'à partir des années 75, c'est-à-dire à partir du début de la grande crise qui a commencé avec le premier choc pétrolier, dans les curriculums vitae, ce qui compte actuellement, c'est moins la partie diplôme que la partie état civil. De qui êtes-vous l'enfant ? Et c'est en fonction de ça, finalement, que l'on fait carrière ou que, bêtement, on ne fait pas carrière. Et c'est ça que je voudrais casser, quand même. C'est-à-dire éliminer cette espèce de fatalité pseudo-biologique qui fait que, lorsqu'on ne sort pas de la cuisse de Jupiter, actuellement, on n'a plus ou guère plus de chance d'être ce que tu es ou d'être ce que je suis. Ouais. Moi, ce que j'ai observé, donc... Ça fait ou mieux. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que j'étais élève, je suis revenu en tant que prof après mes études, donc il s'est passé des choses entre-temps. Et j'ai l'impression que les classes prépa se sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, enfin dans les classes scientifiques en tout cas, il y a beaucoup plus de place dans les écoles. Donc on pourrait se dire que ça va procurer un appel d'air éventuellement. Mais ce que je constate en discutant avec mes élèves, c'est que quand ils ont, on va dire, déjà la chance d'être là tout en étant d'un milieu, disons, modeste, souvent, ils ne vont pas viser les très grandes écoles. Non, il y a une espèce d'humilité qu'on a apprise aux classes les plus défavorisées. Ça, c'est absolument scandaleux, parce qu'en fait, il faut bien le dire, l'accession à une vraie grande école se fait en fonction du talent. Point barre. C'est-à-dire, c'est pas en fonction de la petite cuillère en or qu'on avait dans la bouche en naissant. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, parce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que plus l'école est cotée, finalement, plus elle offre des facilités pratiques, aussi bien de logement, ou alors pour les très grandes écoles comme l'ENS, ou Polytechnique, ou TPE, des écoles où on a le statut de fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du concours, on ne coûte plus rien aux parents. Et donc, il y a quand même ça n'a pas été fait pour rien d'abord, C'était fait dans l'esprit même de la République. Voilà. Il faut voir une chose, c'est que cet esprit républicain qui date de Jules Ferry, à peu de choses près, si on refait l'historique, est actuellement détruit par l'excès de démocratisme à tout prix. C'est-à-dire, je reprends une image, il y a un sketch de Jamel Debbouze, qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais là c'est extrêmement bien vu, où il joue le rôle d'un élève de 3e qui va voir la conseillère d'orientation et lui dit « voilà, j'aimerais faire médecine ». Et la conseillère lui dit « t'es sûr ? Un BEP maintenance, ça t'irait pas mieux ?» C'est-à-dire qu'il y a des classes sociales à qui on a appris l'humilité. Et on a appris l'humilité parce que tout le système veut théoriquement, donner sa chance à tous, mais pratiquement ne donne une réelle chance qu'aux enfants d'eux, en quelque sorte. Bon, ça devient absurde puisque finalement, les gens qui payent le plus d'impôts financent un système qui est coûteux. Mais finalement, ils récupèrent la mise par bien sûr, parce que c'est eux qui vont vers les formations finalement les plus gratuites et en même temps les plus fructueuses. Voilà. Là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ils sont d'ailleurs incités donc à investir massivement dans le système de formation au départ. C'est pour ça qu'il y a tellement de cours particuliers, d'aides, de parascolaires, etc. J'aimerais bien savoir, si on faisait une étude fine de ce que sont nos élèves à Joffre ici, j'aimerais bien savoir quel type de d'aide, de relais, d'attention, à quoi ils ont eu droit depuis quasiment leur enfance. Et c'est ça qu'il faudrait comparer aux aides effectives, très faibles d'ailleurs, qu'ont des élèves tout aussi méritants, parce qu'il faut bien dire les choses clairement, quel que soit le milieu social d'origine, la proportion de gens doués est la même. Hein? Je veux dire, quitte à prendre une comparaison choquante, si vous prenez des chevaux ou des chiens, la proportion de crack est toujours la même, quelles que soient les origines des chevaux. C'est-à-dire que vous ayez des chevaux dits de race, ou que vous ayez des chevaux rigoureusement sans papier, la proportion de crack est rigoureusement la même. En gros, 1 pour 1000 d'ailleurs, hein, à peu de choses près. Ce qui est déjà pas mal. Et actuellement, on est dans un système complètement fou, qu'aucun éleveur d'ailleurs ne voudrait maintenir, qui est qu'on fait des croisements à l'infini à l'intérieur d'un tout petit nombre de gens, finalement, pour assurer la pérennité de la race, hein, sans aucun renouvellement, c'est-à-dire sans aucun appel de sang extérieur. On va en crever. Ouais. Alors, donc on est noté à l'idée que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une dépréciation de certains des gens ici? Des filières, il y a une dépréciation, a priori, des filières les plus prometteuses et une orientation, et là, quand même, je voudrais mettre en cause un certain nombre de conseillers d'orientation qui font effectivement ce qu'on leur dit de faire, qui distribuent les prospectus qu'on leur dit de distribuer, mais qui ne signalent même pas, hein, dans certains lycées. J'en sors, moi, d'un lycée de ZEP, dans lequel on leur disait, bah, écoute, si tu es très, très, très bon, tu feras peut-être un BTS. Ouais. Alors, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'autre ambition que ça. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a, il y a certaines prépas qui sont réservées à des bacs professionnels. Il y en a notamment une au lycée Mermoz. Et même dans cette frange de la population, donc il y a un recrutement, on va dire, plus axé vers des milieux moins aisés, mais même par rapport à la population de départ, c'est quand même les plus aisés des moins aisés. Oui, c'est-à-dire que si on regarde les stats, on s'aperçoit que on retrouve là-dedans, si je puis dire, les enfants des classes moyennes qui, pour une raison ou une autre, avaient partiellement échoué leurs études et que l'on récupère en bout de course. C'est-à-dire que les enfants des classes vraiment laborieuses, celles d'en bas, la France d'en bas, comme dit le phénix du Haut-Poitou, Raffarin, la France d'en bas reste en bas. C'est un peu comme si, finalement, tout le système, qui au fond, il faut bien le dire, est géré par des classes moyennes et des classes supérieures, le système au niveau des ministères, au niveau politique, etc., comme s'il mettait au point un processus qui lui permette de se reproduire, lui tout seul, et d'exclure de plus en plus, et à tout jamais, ceux qui seront condamnés à être les soutiers du système. C'est-à-dire que, dorénavant, quand on est fils d'immigrés, polonais ou moldovalaque hein, ou maghrébin, on le reste. Et c'est comme ça, il y a des gosses qui l'ont parfaitement compris. On a compris ça en novembre 2005, lorsqu'il y a eu des émeutes à droite et à gauche. On a compris que les jeunes beurs, qui étaient nés en France et qui sont français, ne se distinguaient même plus comme français, puisqu'ils qualifient de ces francs les autres, ceux d'en face, alors qu'ils appartiennent au même système, mais que, se sentant exclus, ils sont allés, comme dans un mécanisme qui est typique hein, et qu'on retrouve au fil des siècles, ils ont accru encore ce système d'exclusion en s'excluant eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'osent même plus avoir eux-mêmes, sauf exception, alors sur les exceptions en question, on fait des bouquins, on fait des émissions, on dit, regardez, il sort de tel milieu, mais il a réussi. Effectivement, c'est comme Michael Jordan aux États-Unis, il y en a un sur quelques millions, on le met en épingle, on dit aux autres, mais vous pouvez en faire autant. Mais non, ils ne peuvent pas en faire autant parce que le système les pousse à ne pas avoir d'ambition et ils ont fini par intégrer ce manque d'ambition. Ouais, donc effectivement, je pense qu'il y a déjà un travail on va dire, d'information, peut-être de pousser les élèves à tenter leur chance. Et j'entendais justement cette semaine que l'ENS propose un système de tutorat. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ben oui. Donc l'idée, c'est de rapprocher... Les élèves de l'ENS vont devenir tuteurs de bons élèves de ZEP. Voilà. En quelque sorte, vont leur faire faire leurs devoirs, au fond. C'est-à-dire leur montrer que... Ma foi, à l'ENS, nous sommes des êtres humains comme eux. Nous ne sommes pas des êtres particuliers, des mutants du troisième millénaire. Ouais. Donc il y a cette idée que finalement, il faudrait déjà que l'idée existe quelque part dans... Oui, enfin, il y a quand même des choses extraordinaires. C'est que on demande aux élèves de l'ENS de faire le boulot qui, pour nous, a été assuré par nos profs. Ouais, tout à fait. Par nos profs, accessoirement par nos parents, parce qu'effectivement on a eu des parents qui nous ont sans doute poussé au cul, comme on dit familièrement, mais les profs même nous disaient, tu peux le faire, tu dois aller dans cette section. Moi je me suis fait tirer les oreilles en sixième parce que je renaclais à faire du latin, qui à l'époque était le critère pour entrer dans les bonnes ou les mauvaises sections, comme les maths le sont devenus dans le courant des années 70, et ils ont très bien fait de me tirer les oreilles. Mais actuellement, c'est « Ah ben non, exprime-toi, le savoir est en toi. » Ben non, je regrette. Alors il y a 60% des élèves de prépa, j'ai donc un rapport du ministère là-dessus, 60% des élèves de prépa qui citent comme une source d'information importante l'opinion de leur professeur, le conseil de leur professeur, alors que d'une manière générale, ça c'est cité par 34% des bacheliers. Donc il y a vraiment un poids de l'information, parce que je pense que l'élève a besoin de se sentir vraiment soutenu avant de se lancer. Oui, et puis il y a le fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à, mettons, ta mère qui était déjà dans le milieu enseignant, etc., et mon père qui est entré plus tard, il y a le fait que les enfants des classes moyennes et supérieures sont à l'école chez eux, et qu'ils le sentent bien, et qu'on leur fait sentir, alors que les enfants des classes les plus défavorisées conçoivent l'école comme un milieu hostile. Ça va même dans des... J'ai eu des témoignages, par exemple, dans des classes primaires de ZEP très très sombres, avec des gosses qui refusent d'apprendre le français, en disant, non, de toute façon, on a besoin, mettons, de 200 mots de circulation pour aller acheter le pain, ou quelque chose comme ça, mais la langue du ghetto, c'est le turc, et on va en rester au turc. C'est-à-dire qu'ils ont complètement intégré le fait qu'ils sont ghettoisés, socialement, économiquement et maintenant culturellement. C'est la grande réussite des 20 dernières années et en particulier, je dois le dire très franchement, c'est une des grandes réussites de la gauche d'avoir réussi une construction du ghetto aussi parfaite. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the nous, en tant qu'enseignants, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les meilleurs élèves, les former du mieux possible, puisque bon, après, ils sont amenés à avoir des postes à responsabilité où ils vont quand même jouer un rôle, on peut dire, pour la société, pour l'emploi, ils vont devoir prendre des décisions importantes. Donc on a envie qu'évidemment, ils soient le plus compétents possible. Alors, on se démène pas mal pour informer autour des classes préparatoires, mais finalement, quand on va dans un forum, quand on organise une réunion d'information, qui vient nous voir ? Des gens qui sont déjà intéressés. Oui, ou qui sont poussés au cul par leurs parents qui vont reproduire le système. C'est-à-dire il faudrait avoir des stats sur combien d'élèves de prépa sont eux-mêmes enfants d'anciens élèves de prépa. Oui, ça doit traîner là dans ce rapport, c'est assez important quand même. Ouais. Et donc, ouais, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Parce qu'on rencontre que des élèves de terminale. Je trouve que c'est un peu tard pour se mettre dans l'idée qu'on va faire des études supérieures. Je crois que le moment où tout bascule, c'est fin troisième. C'est entre quatrième et troisième. C'est le moment où la fatalité sociale se met en place. C'est fin troisième, entre fin troisième et fin seconde, que les gens se disent « Ah, ben finalement, je vais faire un BEP au lieu de faire une seconde. » C'est là qu'on se dit « Ah, ben, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à faire des maths et la disserte de français, est-ce que c'est... D'ailleurs, il n'y a plus de disserte de français. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je la rende, etc. » C'est à ce moment-là qu'il faudrait sévir véritablement, c'est-à-dire leur expliquer précisément que ils ont tellement intégré le fait qu'ils sont défavorisés qu'ils vont bousiller leur chance. Parce que c'est important de le répéter. Ils ont, dans quel que soit le milieu social, les chances réelles d'être un bon élève sont les mêmes. Hein? La proportion de très bons élèves est rigoureusement la même, quel que soit le milieu d'origine. Et pourtant, à l'arrivée, on s'aperçoit, comme tu dis, que les bons élèves que nous recrutons sortent presque tous d'un certain milieu social et pas des autres. Et là, il faut bien voir une chose, c'est qu'il faut aller à la rescousse du système, parce que si on continue comme ça, forcément, on va appauvrir, quelle que soit la manière dont on ouvre les classes préparatoires, on va appauvrir le système, parce qu'il n'y aura plus de renouvellement véritablement des talents. Tout à fait. Donc dans le document dont je parle depuis tout à l'heure, il est cité aussi donc que la probabilité de réussir est plus forte s'il y a une motivation initiale avant d'entrer en classe préparatoire. Je ne sais pas du tout comment ils ont mesuré ça d'ailleurs, mais je trouve que effectivement c'est vraiment le point essentiel. On va dire que ça a toujours été très difficile de passer du lycée à une classe préparatoire. Il y a toujours eu un grand écart dans les exigences qui sont demandées par les enseignants. C'est peut-être encore plus vrai maintenant, enfin, c'est un peu mon idée. Oui, je crois. Ils ont d'un seul coup en prépa la vérité des prix et ça leur fait un choc. Voilà, on leur demande vraiment beaucoup de rigueur, du travail. Et puis, voilà. Et donc, finalement, tout le monde est sur un pied d'égalité puisque finalement, on part de zéro avec tous nos élèves. Et qu'est-ce qui reste finalement pour réussir ? C'est les capacités intrinsèques et la motivation. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a des opportunités, on va dire. Il y a certainement des opportunités, et je te suis tout à fait sur le fait que la motivation, c'est peut-être 50% de la réussite finale. Si j'osais une métaphore sportive, les prépas, c'est une course de fond. Dans toutes les courses de fond, à un certain moment, on a un coup de barre. Ça peut être vers le début, quand on voit les gens qui partent comme ça en sprintant tout de suite, etc. Dans les marathons, c'est vers le 20e kilomètre qu'on a un coup de barre terrible. Toute la question, c'est, premièrement, il ne faut pas abandonner. Deuxièmement, il faut se dire, quel que soit mon coup de barre à un certain moment, je serai dans les premiers à l'arrivée. C'est-à-dire donner au bon moment le coup de rein nécessaire qui fera que on ne lâche pas. Sinon, si j'applique un principe un peu darwinien, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui font leur malheur tout seuls quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont la chance d'être dans le système de reproduction des élites le plus assuré qui soit, dont presque tout le monde sort avec des qualifications certaines, quelle que soit l'école dans laquelle on entre, qu'ils peuvent tous accéder d'ailleurs à de très grandes écoles, avec effectivement du boulot, de la confiance en soi et un minimum de talent quand même, et il y en a certains qui lâchent prise, qui lâche prise, parce que c'est un système très concurrentiel, mais surtout parce que c'est la première fois qu'ils sont dans un système concurrentiel. C'est-à-dire que actuellement, depuis le CP, on ne les a jamais mis en concurrence avec qui que ce soit. Hein, le système actuel, c'est vous êtes tous des petits miracles. Si, aussi bien toi que moi, quand on était à l'école primaire ou au collège, il y avait déjà de la concurrence, il y avait déjà une exigence de travail, il y avait déjà des classements, etc. Ça a presque complètement disparu, sauf dans quelques établissements qui se font gloire d'entretenir la flamme, si je peux dire, hein, H4, Louis-le-Grand, Geoffre, paraît-il. C'est quelque chose qu'il faut en fait généraliser, c'est-à-dire l'entrée à Polytechnique. Hein. C'est un peu comme au Japon ou en Corée, hein, l'entrée en Polytechnique, ça se prépare au CP. Ouais. Et alors souvent, effectivement, c'est vraiment une question de mental. Pour la différence entre bien et très bien réussir en prépa, ça peut être aussi d'accepter de repasser les concours, parce qu'on a l'opportunité de passer les concours deux fois. Et souvent, les élèves ont un peu marre, ils préfèrent partir. Et je pense que quand on a grandi dans l'idée qu'on doit intégrer telle ou telle école, bon, on prend un an de plus pour le faire. Mais il faut comprendre une chose, c'est que échouer, en fait, échouer au bout de deux ans, c'est pas un échec. C'est la possibilité de reprendre son élan. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Mais effectivement, il y a eu une telle culture du non-échec dans les années précédentes qu'à la première fois, qu'ils se heurtent véritablement à un mur, ils se disent qu'il est trop haut. Non, non, pas du tout. Il faut reprendre ses appuis, refaire une tentative et se dire la barre à 6 mètres, je la passe. Voilà. Et ça, ce point-là, alors là, touche quand même vraiment tout le monde. On va dire pas alors ça touche tout le monde, en particulier dans les prépas scientifiques, parce que par exemple dans les prépas économiques, ils réussissent souvent à la fin de la deuxième année, il me semble, hein, au niveau des statistiques. C'est un peu le cas aussi pour les prépas littéraires qui s'orientent vers des choses du style Sciences Po, l'ENA, etc. Sauf que pour les prépas littéraires, très souvent, pour réussir vraiment en normal sup, ça se fait quand on est cube. Hein, c'est exactement le même principe, mais c'est se dire la première fois que je passe un concours, je ne vais pas l'échouer, je vais prendre mes marques. Je vais prendre mes marques et je réussirai très bien l'année prochaine. En fait, l'effet pervers qu'il y a en classe scientifique, c'est qu'il y a un grand nombre d'écoles et donc les élèves ont toujours une école au bout de deux ans. Donc parfois, ils sont contents d'avoir déjà une école, mais ils ne mesurent pas bien la différence qu'il peut y avoir entre les écoles les mieux cotées et les autres. Et en termes de carrière, en termes de possibilités, en termes de portes qui vont s'ouvrir toutes seules pour réaliser des projets personnels. Donc ils se contentent, voilà, en se disant, bon, c'est déjà pas mal, je suis ingénieur, j'aurai un diplôme d'ingénieur. Mais finalement, c'est pas le même métier d'être centralien ou polytechnicien que d'être dans une... D'ailleurs, il y a une chose, c'est très vrai, parce que quand on regarde la carrière des polytechniciens, il y en a très très peu qui restent dans le domaine scientifique ou technique. Ouais, il y en a beaucoup qui font de la politique, qui font de l'économie, qui font tout à fait autre chose. Moi, j'ai un ami polytechnicien qui actuellement est devenu milliardaire, gère des échanges pétroliers à haut niveau et n'a plus jamais fait de maths depuis son entrée à Polytechnique, à peu de choses près. Hein. Mais ce sont des opportunités que procurent les très grandes écoles et que ne procurent pas les autres. Ce que procurent surtout les très grandes écoles, je pense, c'est la possibilité de changer... D'orientation ans, complètement. On a envie de changer complètement. Enfin, voilà, parce qu'on a une carte de visite, hein, voilà, qui fait que on a la garantie qu'on a eu une formation de base en général remarquable et que cette formation de base permet de s'adapter à n'importe quoi. On est le seul pays qui connaît vraiment les grandes écoles, mais au fond, en Angleterre, par exemple, c'est la même chose quand on sort d'Oxford ou de Cambridge. Quand on a ça sur ses cartes de visite, même si on sort d'Oxford tendance latin-grec, on finit chef d'entreprise, grand politicien, etc. Parce que on sait qu'on a ce niveau général qui donne une aura particulière à toutes les entreprises qu'on effectuera par la suite. Voilà, c'est bien devant un banquier que devant un recruteur. Bien sûr. Alors j'étais par exemple fin août à l'université d'été du MEDEF, avec un certain nombre de très grands patrons et le directeur d'HEC, qui est un type tout à fait remarquable. Et ce que disaient les uns et les autres, c'est ne vous préoccupez pas d'avoir un niveau technique dans ceci ou dans cela, préoccupez-vous d'avoir une formation générale, globale, et nous vous formerons à des métiers précis Ce que nous voulons, ce sont des gens avec qui on puisse discuter d'égal à égal. Mmh. Eux-mêmes sortaient de ces très grandes écoles et recrutent, je le dis très, très franchement, et recrutent prioritairement les gens qui ont la même culture, finalement. Parce qu'il y a effectivement une culture de la grande école très spécifique. Ça, c'est curieux comme, finalement, on reconnaît d'instinct, au bout de 10 phrases, hein, mmh. quelqu'un qui a fait l'ENS ou Polytechnique. Il y a une espèce de confraternité culturelle qui fait qu'on s'identifie immédiatement et comme on est quand même dans un système de cooptation permanente, qu'on se recrute les uns les autres. Ouais. Et effectivement, je pense que pour devenir quelqu'un qui va diriger, finalement, il y a des notions qu'on apprend déjà en prépa, manipuler des ordres de grandeur, un esprit de synthèse. Et savoir communiquer. Ouais. Ouais. Et savoir véritablement communiquer, c'est-à-dire savoir que la communication, c'est pas le fait de dire ce que l'on pense, mais que c'est essentiellement une question de manipulation. Ouais. Alors pour terminer, je voulais qu'on parle d'un point qui te concerne plus personnellement. C'est la question de l'immobilier, on va dire. À savoir, quand on est en classe préparatoire, on a éventuellement des trajets à faire, des choses comme ça. Donc, on a l'internat qui propose quand même quelque chose de très confortable. Et donc, toi, tu as fait tes études à Marseille. Oui. Alors, Marseille est réputée, on l'a dit en novembre 2005, pour avoir une topologie particulière, à savoir que c'est un centre-ville dans lequel il y a encore des quartiers populaires. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est important? Alors, c'est quand j'étais au lycée Thiers à Marseille, moi j'habitais à 6 ou 7 kilomètres de là, donc je me faisais des allers-retours en mobylette tous les matins. À vrai dire, c'était un peu plus compliqué parce que quand j'étais en Hippocagne, j'avais pas un flèche devant moi, donc je descendais sur le port vers 2h du matin, je faisais le docker auxiliaire entre 2h et 7h30 et j'étais en cours à 8h. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut mener une vie comme ça. Et actuellement, le centre de Marseille s'est complètement transformé. Non, il est plus que populaire maintenant. Hein. Le centre de Marseille est détruit à peu de choses près. Et toutes les classes moyennes qui habitaient le centre, à de rares exceptions près, sont allées sur la périphérie. Mmh. De sorte que il y a une chose qui est caractéristique quand même des classes prépa, il n'y a pas de carte scolaire pour les classes prépa. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus dans le centre marseillais un écart incroyable entre les gens qui fréquentent le lycée jusqu'en terminale et les gens qui fréquentent les classes prépa et qui arrivent de toutes sortes d'établissements et d'ailleurs de plus en plus d'établissements privés parce que vu différents problèmes qu'il y a sur place, ils préfèrent recruter. Je préfère aller directement dans les établissements sans problème. C'est pas pareil à Paris, par exemple, parce que le prix de l'immobilier parisien fait que lorsqu'on habite le 5e ou 6e arrondissement, on appartient naturellement mmh. aux classes sociales qui vont naturellement aller au lycée Henri IV ou Louis le Grand et naturellement aller en prépa. Hein, c'est à tel point vrai que on sait bien que pour aller dans tel ou tel lycée actuellement, il suffit d'avoir une adresse. Géographique, avoir la tante ou la grand-mère qui habite déjà rue Gay-Lussac. Mais enfin bon, c'est pas tout le monde qui a une grand-mère qui habite rue Gay-Lussac, hein, ni la mienne, ni probablement la tienne. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement vicié, pour reprendre ce qu'on disait, extrêmement vicié. Nous avons bénéficié l'un et l'autre de ce que la République offrait de mieux au niveau de l'école, et qu'actuellement elle hésite à fournir aux autres. Il me semble, extrêmement urgent de modifier le système si on veut continuer à avoir des élites qui méritent ce nom. Sinon, on va juste avoir des enfants d'élite, des petits-enfants d'élite, et ça sera comme sur les races de chiens, ça dégénérera à chaque génération. Ce sera la conclusion. Merci à toi.